Ah, vous savez pas la nouvelle? Eh ben, ça y est, j'habite à l'Élysée maintenant. Ouais, ouais, il y a le grand Charles, il m'a trouvé une petite chambre de bonne, avec lavabo et tout, les WC sur le palier, tout ça. Non, c'est bien parce que c'est central. Alors, depuis que je suis à l'Élysée, je les ai contaminés à tous, hein. Attention, ils ont tous l'accent pied noir maintenant, hein. J'entendais Pompidou qui disait à De Gaulle l'autre jour. Po, mais qu'est-ce que tu es beau, toi, en ce moment? Aïe, quelle classe! On dirait un soleil! Alors, De Gaulle, il a dit, la purée de toi, jure-le, sur la pute, sur la vie de ta mère! Alors, Pompidou, il a dit, je te le jure, dis, sur la santé de mes morts! Alors, De Gaulle, il a dit, arrête, la mort de tes os! Ça porte la chkoumou. Pompidou, tu m'as tué avec ton accent. Y a pas de tss. Tes mots, tes gestes ont l'air d'être indécents. J'ai bien peur d'en être contaminé, je le sens. Et crois-moi, j'ai du nez. Alors, j'ai commencé à les contaminer avec l'accent et maintenant, j'ai l'intention de m'imposer. Je vais me présenter aux élections. Et alors, on devient grand petit à petit. Non, tout ça, c'est une question de destinée. Les gens, ils disent, les grands, ce sont les élus de Dieu. Ils ont été appelés. Alors, moi, si personne ne m'appelle, alors je vais attendre comme ça toute ma vie ou quoi? Bon, alors maintenant, laissez-moi téléphoner. Je vais arranger le problème. Allô, qui c'est? Allô, Israël? Allô, Tel Aviv? Alors, combien ça va? Vous traversez encore une crise financière? Dites, ça va pas vous empêcher d'envoyer votre première fusée dans la Lune au moins, hein? Dites, attention, la fusée, elle est récupérable au moins, hein? Allô, monsieur le rabbin? Allô, ne coupez pas, monsieur le rabbin, ne coupez pas, ne coupez... Il a coupé. Quelle manie, alors! Allô? Ici? Le Vatican? Ah, passez-moi P. Comment, quel numéro? Je sais pas moi, P6, P7. Et puis je m'en fous. Passez-moi P et puis c'est tout. Y'a pas de P? Eh bien passez-moi Paul. Ah, P ou Paul, c'est pareil, moi je m'en fous, je veux un pape. Passez-moi un pape. Allô, le pape? Alors, il se conseille. Là, on vous entend plus beaucoup, hein? Vous faites des messes basses maintenant. Ça devient un conciliabule. Dites-moi, j'ai ouï dire que dans votre religion, vous voulez retourner aux sources? Comment? Alors, ça fait 2000 ans qu'on vous paye des études pour essayer de comprendre. Et maintenant, vous allez retourner aux sources. Alors, c'est ça, le progrès. Bon, fait, écoutez, dans la vie, il faut être honnête, précis et circoncis. Circonspect, ça, oui, c'est vrai, c'est le pape, ça, c'est pas le rabbin Kaplan, ça, c'est circonspect. Et mais non, voyons, circoncis, c'est mieux si vous voulez retourner aux sources. Enfin, bon Dieu. L'essentiel, c'est de croire en Dieu que diable. Allô, qui c'est? Allô, c'est qui, vous savez? Mes respects, moi, général. Comment? Ah, vous voulez faire une tournée sur la Côte d'Azur? Ah, mais c'est bon, ça, qu'est-ce que vous avez comme chanson? Hein? Ouh, des chansons pieds noirs, mais c'est pas intéressant, ça marche plus en ce moment. Pourquoi vous chantez pas, par exemple, je sais pas moi, Debray m'a dit, fais-toi refaire le nez. Laisse-toi pousser les cheveux pour devenir yéyé. Oh, mon nez. Ou alors, je sais pas moi, vous pouvez chanter, par exemple... 800 millions de petits Chinois qui vont nous tomber sur le coin de la gueule. Et moi. Bon, alors, maintenant, grâce à Dieu, ça marche bien au ministère, mais seulement maintenant, j'ai les embêtements qui commencent. La famille. Bon, tous les jours, il me sort un cousin germain. Tous germains. L'autre jour, c'était la tata Julie. elle arrive avec le bijou sur la tête et tout. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, Polo, mon fichier, il président. Qui l'eût cru, ce petit verre de... Aïe, la zizdiel, comment il était, comment il est devenu. Sahab, sahab, sahab, sahab. Yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo. Tata Julie, il y a du monde, il y a du monde. Qu'est-ce que c'est, ça? Je vais me faire remarquer maintenant ici. Qu'est-ce que c'est? Bon, alors, je vais faire les présentations. Alors, le général, Tata Julie, Pompidou, Tata Julie, Madame Yvonne, Tata Julie. Alors, c'est vous le général. Eh ben, de près, vous cassez pas trois pattes à un canard, hein? Je t'en prie, grand genre et petit moyen. Enfin, ça fait rien. Venez manger un bouctouf à la maison. Comment bouctouf, vous connaissez pas? Allez, dites. Vous allez pas me faire croire que vous êtes pas juif, non? Avec le nez que vous avez.